Thank you. rapide. What's Up, femme poète de la Beat Generation. De la Beat Generation, on connaît principalement les auteurs et acteurs masculins, porte-drapeau d'un mouvement auquel participaient et autour duquel gravitaient pourtant nombre de plumes féminines. Cet album, né de la lecture du livre de Brenda Knight, Women of the Beat Generation, et de ma rencontre avec Jacqueline Starrer, qui a écrit « Les femmes de la Beat Generation et la poésie, portrait d'un groupe qui n'en est pas un ». Cet album donc n'a d'autre prétention que de donner une voix, un son à quelques-unes d'entre elles, Anne Waldman, Etty Jones, Janine Pomivega et Ruth Weiss. Ce ne pouvait être que le fruit de rencontres, à l'exception d'Akshoté, Montera Povros. Les musiciens invités n'avaient pour la plupart jamais joué ensemble, auparavant, et ont découvert les textes le jour même de la séance d'enregistrement, qui s'est déroulée selon les modalités classiques de l'improvisation, une seule prise et sans re-recording. Aucune autre approche ne m'a semblé mieux adaptée à cette écriture sensible, parfois rugueuse, fondatrice d'une poétique du quotidien qui nous reste à arpenter. Jean-Marc Montera, Tanger, 9 février 2013. White. The fluffy male, the passionate male. Orgasm and abstinence. Hose and ass coming up from the belly. Le chant du tambour, Janine Pomi Vega. Rouge et blanc, bonbons rayés, panneau de sortie, entrée par un trou dans le mur, dans le monde caché des amulettes en perles et des cartes de la taille d'Atlantis, et des petits garçons poursuivant le cerf de l'imagination. Rouge et blanc, drapeau péruvien, le drapeau polonais et autres plastrons et bibelots de domination depuis qu'il y a des guerres, depuis qu'est née l'idée de soumettre son voisin. Rouge et blanc, la femme en âge d'enfanter et puis elle-même, en cheveux doux, regardant le feu attirant à elle ses petits-enfants qui réclament ses histoires. Rouge et blanc, la femelle passionnée, le mâle passionné. Orgasme et abstinence, Hosanna surgissant du ventre jusqu'au sommet de la tête, rouge, blanc, sang et os, le squelette dans son drapeau écarlate. Le zigzag de la danse à deux pas, sur la corde raide, le rouge et le blanc. Thank you. Bridget Jones. Quel est le bon? Quel est le bon? Quel est le bon? Quoi de neuf? Avec le mot juste que chacun veut entendre, c'est ça? Est-ce cela que nous demandons maintenant? Un seul mot juste pour nous éloigner de ce que nous craignons. Thank you. Le mensonge, Anne Wadman. L'art commence avec un mensonge. La séparation, c'est toi plus moi plus ce que nous faisons. Regarde l'ampoule, cligne des yeux, le soleil t'éblouit. Un ciel rare, un point de vue privilégié, dégagé d'idées fausses. L'art commence avec un mensonge. Rien à perdre, montée spontanée du reflet, peint l'image d'une ampoule ou regarde le soleil. Comment énergiser le monde, puis mourir? Prends tes distances avec les artifices. Comment? L'art commence avec un mensonge. Le public veut pleurer. Quand les acteurs jouent vrai et avec passion, regarde la rampe, puis réfléchis là des yeux. Tu fluctues dans un corps trompeur. Tu tentes d'imiter la gloire du monde. L'art commence avec un mensonge. C'est tout. Éclat de poussière dans l'œil. Out of the game. Sincere. days. Again, about the majority again, dancing in plastic along the bridge rail, under a sky, half misty, half blue, and there were white clouds blowing from the west. Which would have been enough for one used pleasure in small doses. But then later, at sunset, driving north along the sawmill in a high wind with clouds big and drifting above the road like animals, proud of their pink underbellies, in a moment of intense light, I saw an Edward Hopper house, at once so exquisitely light and dark, that I cried. All the way up Route 22. Those uncontrollable tears. As though the body were crying. And so young women, here's the dilemma, itself the solution. I have always been at the same time woman enough to be moved to tears and man enough to drive my car in any direction. Des ours en peluche sur l'autoroute. Samedi, les ours en peluche étaient de nouveau là, au-dessus de l'autoroute, dansant dans leur plastique le long du parapet du pont, sous un ciel mi-gris, mi-bleu, et il y avait des nuages blancs qui soufflaient de l'ouest. Ce qui aurait suffi à rendre heureux quelqu'un d'habitué au plaisir à petite dose. Mais alors plus tard, à la tombée de la nuit, on conduisait vers le sud dans la bourrasque, de gros nuages dérivant au-dessus de la route comme des animaux, fiers de leur ventre rose. Dans un moment d'intense lumière, je vis une maison d'Edward Hopper, à la fois si délicieusement claire et sombre, que j'en pleurais pendant tout le trajet jusqu'à la route 22, de ces larmes incontrôlables, comme si mon cœur entier pleurait. Et ainsi, jeune femme, voici le dilemme qui est aussi la solution. J'ai toujours été en même temps assez femme pour être émue aux larmes et assez homme pour conduire ma voiture dans n'importe quelle direction. Thank you. of the sea, retreating to return a tidal wave. Bring back the dream. Bruce Weiss, 1967, nous avions un rêve et nous avons dansé. Musique dedans, musique dehors, faite pour durer. Le verre s'est brisé, ses éclats coupant le cœur, pervertissant leurs reflets dans le haut soleil de midi. Un rêve se retire. Il y a des rêves qui ne disparaissent pas, comme les vagues qui se retirent pour revenir marée montante. Il faut ramener le rêve. 2007. Number Song, Anne Wallman. Chant de nombre. Je me suis multiplié, je suis deux. Il faisait partie de moi, il était issu de moi. Il a pris une partie de moi, il m'a dissocié. Je suis deux. Il est mon art. Non, il est séparé. Il est un. Je ne suis pas fini et je suis toujours un. Je chante mon fils. Je me suis multiplié. Mon cœur est en deux. Une moitié pour lui, une moitié pour toi, qui est également une partie de lui, et toi, et lui, et moi, formons un trio. Yeah. haze. Plays teddies in Wednesday. Thank you. city in the Midwest winter of the USA. I am 7 years old. My tears are cold, too cold to tell me the stories that keep me going in the summer. Mama says, this is not true. How did you ever get such a nightie? Gypsies steal and make up lies about the future. How did you ever get such a nightie? That you are. It is winter, my toes are cold, all the way to my fingertips, and I tell my toes, don't worry, I am a gypsy. I will find you shoes to make you warm, so you can keep telling me the stories. In a building where many people live, I look at yellow shoes outside the doors. One black pair after another, they don't belong to me. I keep on walking down the halls. The red pair shoots, try me, they fit a must. But I like my sandals better, the ones that I bought in a store many, many years later. Looking at my toes in my sandals, where I sit by an ancient redwood tree to keep the chainsaw from cutting it down. And my toes tell me the story of the redwood and about surviving. Thank you. From My Name Is Woman, Anna-Marie Russ Weiss. Tiré de Mon Nom Est Femme, Anna-Marie. Pieds nus en hiver, dans la ville, dans l'hiver du Midwest des USA. J'ai 7 ans, mes orteils sont gelés, trop froid. Trop froid pour me raconter des histoires qui me font passer l'été. Le sang dans mes orteils me raconte toutes les vieilles histoires. Les histoires qui me disent que je suis une gitane. Maman dit que ce n'est pas vrai. Comment as-tu pu avoir une telle idée? Les gitanes volent et mentent quand elles prédisent l'avenir. Comment as-tu pu avoir une telle idée que tu es une gitane? C'est l'hiver. Mes orteils sont entièrement gelés jusqu'au bout des doigts. Et je raconte, mes orteils, ne t'inquiète pas, je suis une gitane. Je trouverai des chaussures pour te réchauffer, pour que tu puisses continuer à me raconter des histoires. Dans l'immeuble où de nombreuses personnes vivent, je vois des galoches sur le pas de la porte. Une paire noire. Après l'autre, elles ne m'appartiennent pas. Je continue à marcher dans les halls. Une paire rouge. Oui, essaye-moi. Elles me vont. Presque. Mais je préfère mes sandales. Celles que j'ai achetées dans le magasin. Beaucoup plus tard. Je regarde mes orteils dans mes sandales. Où je suis assise sur un vieux séquoia. Pour empêcher la tronçonneuse de le couper. Et mes orteils me racontent l'histoire du séquoia et de la survie. Now into inside, outside, snail biking further into its shell. It could just as well have been a child's snow shovel. The regular push and hurl over his shoulder in the huge bright afternoon. Divided now into inside, outside, the snail backing further into its shell. It could just as well have been a child's snow shovel, the regular push and hurl over your shoulder in the huge bright afternoon. Dwindling to arrive at the ambulatory caffeine bed. Isn't it going somewhere? Isn't it going somewhere? Isn't it going somewhere? Living on Air, Etty Jones. Vivre de l'air du temps. Si un chant est un air, un poème est un attrape-vie inattendu à couper le souffle. Et il y a de nouvelles preuves. Ce sont nos sentiments qui nous guident, comme c'est aimable de la part de la science de laisser débrancher ceux de nous qui vivons au sentiment. Regarde de l'autre côté de la rue. Une fenêtre étroite vient de s'emplir d'une lumière d'eau. Une mer du sud. Dans une nuit new-yorkaise remportée de hautes luttes. Sunrise blue. and in this solitude to you come home. The moon is full of our morning buildings. The shade of solitude is upon my hand. Thank you. She's got my heart and I got hers. It was fair, we fell in love. I hold hers precious and mine she would miss. There never was anything like this. Her heart in my brain keeps us one. My heart in her guides thoughts and feelings. She loves my heart, for once it was hers. I love hers because it lived in me. I once wanted her, it was misunderstanding. And then my heart hurt for her heart. For as from me, on her, her hurt did sit. So I felt, still in me, her hurt hurt it. Both of us hurt simultaneously. And then we saw how we're stuck with each other's hearts now. Stuck with each other's hearts now. Stuck with each other's hearts now. We are stuck with each other's hearts now. Stuck with each other's hearts now. Canal Sud, 92.2 MHz, téléphone 05 61 53 36 95. C'était Anexia. Femme poète de la Beat Generation, enregistrement Radio France, édition de même, septembre 2013, une idée de Jean-Marc Montera avec des textes d'Anne Wallman, Russ Weiss, Janine Pomi Vega, Hetty Jones et Sophie Gontier à la voix, Fanny Pacou, alto, Ernie Brooks, guitare basse électrique, Ahmad Compaoré, batterie et un quatuor de guitare électrique, Lee Ranaldo, Jean-François Pauvros, Noël Acheté, Jean-Marc Montera. Et actress, Orancy Pazuzu, 60 étages, John Wayne, Danny Brown, Earl Sweatshirt, Ascend. Des extraits de la Noise Anthology, volume 7 de Sub-Rosa, Robin Fox et Carl Thomas, le soleil, la dernière trace du jour, un trait d'or derrière la forêt du rêve. Tu me fais signe de mourir. Et dans un clin d'œil, entre choc et douleur, mon visage me regarda. L'enfant était moi. Thank you. supplying dope to the black and the Mexican communities.